nouveaux mots et phrases. Écoutez le français, puis l'anglais, puis le français encore, et répétez. Nous commençons. Que désirez-vous? What would you like? Que désirez-vous? Nous cherchons. We are looking. Nous cherchons. Le plus. The most. Le plus. Le plus récent. The most recent. Le plus récent. Utile. Useful. Utile. Trop. Too. Trop. Gros. Big. In the sense of thick or weighty. Gros. Trop gros. Too big. Trop gros. Nous. Us. Nous. Petit. Small. Little. Petit.